Chapitre 6e. L'on casse les vitres. Paulin Broquet se remettait seulement de son aventure dans le sous-sol de la Barbotière. Il recommençait à s'entraîner, comme il disait. Il n'avait pas encore repris officiellement son service, et nul dans Paris ne savait où il était passé. Ses amis, habitués à le voir ainsi s'éclipser, puis reparaître tout à coup quand on annonçait une capture importante, le dénouement d'une affaire sensationnelle, attendaient sans inquiétude son retour, et ses ennemis, ceux avec qui il avait entamé une lutte qui ne pouvait finir que par la défaite absolue, la mort d'un des deux adversaires, ne le voyant plus reparaître, pouvaient croire que dès la première escarmouche, ils avaient vaincu. Zigomar se trompait donc. Son chef mystérieux, celui qui présidait la séance, qui fut l'orateur et prononça la sentence de mort contre l'audacieux détective, le Zigomar qui se prétendait immortel, qui affirmait que toujours Zigomar devait être victorieux, le Zigomar dont, malgré la déformation de la voix sous la cagoule rouge, Paulin Broquet crut reconnaître le timbre, le Zigomar enfin qui semblait gouverner et diriger ses troupes de Forban, n'était pas sans faire bonne garde, sans veiller, sans chercher à acquérir l'assurance que le coup était réussi comme il l'espérait. Il voulait la preuve que les Zigomars désormais ne devaient plus rien redouter de leur terrible adversaire. Aussi, dans les environs de l'avenue Trudaine, à l'angle de la rue Rodier, où nous savons que Paulin Broquet avait son domicile officiel, bien souvent, en rentrant chez eux, Gabriel, Lamorce, qui demeuraient eux rue Rodier dans la maison faisant l'angle de l'avenue Trudaine, virent-ils des passants, des promeneurs, des gens aux allures singulières, des gens qui, durant le jour, s'arrêtaient aux devantures, qui se promenaient longuement sous les arbres du square d'Anvers, ou stationnaient sur le trottoir comme pour mieux achever une discussion passionnante. Tous ces gens-là n'étaient que des espions. Rien de plus facile pour des hommes exercés comme les lieutenants de Paulin Broquet, rien de plus facile que de les dévoiler. Jusqu'à présent, il semblait que la villa de Paulin Broquet avait échappé aux enquêtes des Zigomars. L'ignorait-il encore? Croyait-il que Paulin Broquet n'y venait pas? Impossible d'en avoir la moindre notion. Les efforts des espions se portaient uniquement, pour le moment, du côté de la demeure connue officiellement de Paulin Broquet à Paris. Cependant, Paulin Broquet, après un séjour à la villa, au cours duquel, tout en peignant quelques études d'arbres et de fleurs, car il était, nous le savons, excellent peintre et musicien remarquable, se sentant à peu près rétabli, désirait fort rentrer chez lui à Paris et reprendre son service actif. Mais il désirait que son retour fût tout à fait ignoré des Zigomars, et il cherchait à leur passer sous le nez sans éveiller leurs soupçons. Paulin Broquet n'avait pas choisi au hasard cette demeure. La maison, de construction récente, était agréable. Et chose précieuse, l'appartement de Paulin Broquet ne pouvait avoir en face, de l'autre côté de l'avenue Trudaine, aucun voisin. En effet, devant les croisées de son appartement se trouvaient le square d'Anvers et le collège Rollin. Donc, pas de voisin qui puisse voir plus ou moins ce qui se passait chez lui. Gabriel et Lamorce habitaient l'un dans la maison de Paulin Broquet, l'autre dans la maison de la rue Rodier qui s'adossait à celle du détective. Un mur était mitoyen, et dans ce mur, par faveur spéciale et justifiée, les deux propriétaires, tout en gardant la chose secrète, avaient consenti à laisser percer une porte pour faire communiquer les trois appartements, de sorte que l'on pouvait passer par la rue Rodier pour pénétrer dans l'appartement de l'avenue Trudaine et par l'avenue pour aller rue Rodier. Cela offrait de grands avantages, on le comprend rien qu'en le lisant. Chaque jour ou chaque nuit, selon leur service, Lamorce et Gabriel rentraient chez eux, très simplement, comme s'ils ne se doutaient en aucune façon qu'on surveillait étroitement les abords de leur logis. Paulin Broquet également. Mais il était obligé de prendre chaque fois un déguisement, d'employer un stratagème quelconque. Et cela le contrariait énormément d'être ainsi soumis en quelque sorte à ses ennemis et de lutter avec eux de ruse pour une chose de si faible importance. Cependant, pour que rien au dehors ne pût trahir sa présence quand il séjournait chez lui, il n'allumait pas de lumière dans sa chambre à coucher et il prenait ses repas chez l'un ou chez l'autre de ses lieutenants, ce qui permettait de tenir toujours dans l'obscurité la fenêtre de sa salle à manger. Mais comme il venait surtout ici pour travailler, pour retrouver ses dossiers, compulser des papiers, il était forcé d'allumer dans son cabinet de travail. Pour que du dehors on ne pût voir la lumière qui, malgré les rideaux tirés, filtrerait quand même, Gabriel avait collé sur les vitres du papier noir à photographie. Ainsi, de la rue, il devenait impossible de surprendre le moindre rayon lumineux. Et Paulin Broquet, en toute tranquillité, pouvait travailler, comme il en avait l'habitude, une grande partie de la nuit. Mais il avait affaire à forte partie. Certes, il ne fut pas trahi par la lumière, mais bien par la fumée. Paulin Broquet était un fumeur enragé. Il ne quittait la cigarette que pour allumer un cigare, et ne se reposait du cigare qu'en culottant des pipes. De sorte que quand il abandonnait son cabinet de travail vers le matin, il sortait d'une pièce où l'on aurait, selon l'expression populaire mais très caractéristique, pu couper l'air au couteau. Aussitôt qu'il en sortait, son fidèle valet de chambre accourait et ouvrait les croisées pour donner de l'air. Or, un matin que le fidèle Jules s'acquittait de ce soin, en face se tenait, près du trottoir, une brave marchande à la charrette qui allait vendre ses choux-fleurs et ses carottes aux ménagères du quartier. Elle arborait fièrement sur sa hanche gauche la plaque de cuivre lui donnant le droit de vendre dans la rue. Un homme d'un certain âge, à barbe blanche hirsute, coiffé d'une casquette de drap, avec un gros pantalon de velours, poussait la petite voiture. La marchande et son aide s'arrêtèrent ce matin un moment, comme pour se reposer, le long du trottoir d'où l'on pouvait apercevoir les fenêtres de l'appartement de Paulin Broquet. Et tout en faisant semblant d'apprêter leur étalage pour la vente, ils jetaient curieusement à la sourdine les yeux sur ces fenêtres. Le hasard voulut qu'à ce moment, Paulin Broquet, ayant eu la fantaisie avant de dormir d'aller voir quel temps il faisait, regarda dans l'avenue à travers les jours d'un rideau de dentelle formant brise-bise. Il aperçut naturellement la petite voiture, la marchande et le brave homme. Le passage à cette heure, par cette voie, d'une marchande à la petite charrette, lui parut insolite. Ce n'était pas le chemin que ces modestes négociants prennent généralement, et il était encore trop tôt pour commencer la vente. Naturellement, Paulin Broquet, fort méfiant, ne quitta pas son observatoire et se mit à étudier les marchands ambulants. Il les vit regarder de son côté avec une attention que l'insistance qu'ils y mettaient trahissait malgré eux. Paulin Broquet avait une vue admirable et le don précieux de reconnaître quelqu'un sous n'importe quel déguisement. « Oh oh ! » fit-il. « Cette brave marchande à la plaque de cuivre ne m'est pas inconnue, je l'ai vue déjà. » Il regarda plus attentivement et s'écria enfin en riant. « Et l'homme qui pousse la charrette est le décoratif baron Dupont. » Paulin Broquet ne les quitta pas des yeux tant qu'ils stationnèrent là. « C'est bien l'homme qui est venu à peu près avec cette tête hirsute et cette allure de bas peuple se pencher sur la portière de la voiture dans laquelle je me trouvais quand j'emmenais le comte de la Guérinière chez le banquier Montreuil pour la confrontation. C'est bien le regard du correct gentleman qui dirigea le duel de son ami avec le journaliste Marc Collas. C'est bien la figure du bon père de famille, l'entrepreneur qui mène ses enfants danser chez Clafou. Et parbleu, la brave marchande, est celle qui jouait là, au bal, le rôle sympathique d'excellente mère de famille. Comme il disait cela, il vit la marchande et son aide tressaillir. En même temps, il entendait son fidèle Jules ouvrir la croisée de son cabinet de travail. Puis il vit alors l'homme, après avoir jeté un dernier regard de son côté, en souriant dans sa barbe hirsute, reprendre les poignées de la charrette et se remettre en route, tout en parlant à la brave marchande, qui se mit également à sourire. « Ah ah !» se dit Paulin Broquet, « ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Ils savent ce qu'ils cherchaient à connaître. Ils s'en vont contents. » Mais il se demanda, « mais qu'est-ce qu'ils veulent donc apprendre ?» Il entra dans son cabinet et vit son fidèle Jules qui agitait son torchon pour chasser plus vite la fumée de la pièce. La fumée, en lourde volute, s'en allait difficilement, malgré le jeu du torchon et le courant d'air établi par Jules. « C'est pas pour dire, patron, » fit le valet de chambre en voyant son maître, « mais vous avez cette nuit rudement fumé. Votre cabinet de travail ressemble au tunnel des Batignolles après le passage des trains. » Mais Paulin Broquet, loin de rire de la plaisanterie de son fidèle Jules, croisa les bras, et d'un ton qu'il voulait rendre sévère, il demanda « Ah ça, tu es donc passé dans le camp de Zigomar ?» Jules s'arrêta. Il regarda son chef, les yeux ronds, la bouche ouverte, ne comprenant pas. « Oui, » reprit Paulin Broquet, « je te demande si tu es passé chez Igomar. » « Moi ? Chez Igomar ?» finit par dire Jules ahuri. « Moi ? Parfaitement. Mais patron, comment ? Pourquoi ? Où voyez-vous ça ? Tu es en train de me trahir. »« Vous trahir ? En quoi faisant ? Tu agites un drapeau. » « Ça, c'est un torchon à poussière. »« Tu fais un signal. »« Ici, dans le bureau. » »« Et dehors. » »« Tu as l'air de chasser la fumée, mais tu dis aux Igomar, tes complices, qui stationnaient là, en face, qui épiaient, tu leur dis « Oui, le patron a passé la nuit dans son cabinet, cette fumée vous le prouve. » »« Mais... » »« Alors ce n'est pas la peine que l'on mette du papier noir aux vitres, que je me couche sans chandelle, si au jour tu fais savoir que je suis là. » Mais devant l'air navré de Jules, Paulin Broquet eut pitié, en riant, lui dit « Ça va bien, va. Ce qui est fait est fait. Ils n'en sont pas plus avancés. Continue ton travail, va, mon bon Jules. » Vous ne croyez pas au moins, patron, que je suis un Igomar ? Bien entendu. Paulin Broquet avait compris, deviné ce qui s'était passé, ce que Jules, sans le vouloir, avait fait entendre à ses ennemis. En effet, tout en se remettant en route, l'homme à la casquette disait à la marchande « Quelqu'un a passé de longues heures cette nuit dans le bureau de Paulin Broquet. » « Oui, déjà on nous l'avait dit. Peut-être ce quelqu'un était-il seul, peut-être était-il plusieurs, il y avait beaucoup de fumée. » Mais tout ça ne dit pas qui c'est. Qui peut ainsi pénétrer chez Paulin Broquet ? Ses lieutenants. Ou Paulin Broquet lui-même ? L'homme ajouta. « Si c'est Paulin Broquet, c'est qu'il a échappé à l'affaire de la Barbotière. C'est qu'il est sorti vivant du souterrain, de l'inondation, de l'explosion. C'est beaucoup. » fit la femme. « Oui, ça me paraît extraordinaire, invraisemblable. Mais avec un homme comme lui, il faut s'attendre à tout. » Il reprit, après un court silence, tout en poussant sa charrette. « Si Paulin Broquet a échappé, c'est pour nous un désastre. Aussi le chef tient-il à le savoir. À toute force, il faut que nous le sachions. Nous sommes sûrs maintenant que pendant la nuit, on a travaillé dans le bureau de Broquet. Mais qui ?» Paulin Broquet, de son côté, conféra avec son lieutenant Gabriel et lui parla de l'incident de la croisée des marchands à la charrette. « Bon, chef, dit Gabriel, on fera encore plus attention. Il est de toute évidence, dit Paulin Broquet, qu'ils veulent savoir si je vis encore, si c'est moi qui me trouve chez moi. « Chef, vous n'êtes pas embarrassé pour les dépister tant que ça vous fera plaisir. » « Je l'espère, mais je suis très contrarié de n'avoir pas mes coudées franches. » Et d'être obligé de jouer à cache-cache avec ces malins. En tout cas, ce qu'ils ont pu apprendre ce matin ne les avance pas grandement. On ne sait pas, faut voir. » Il sembla, à partir de ce moment, à Paulin Broquet et à ses lieutenants, que la surveillance des Igomar redoublait autour de la maison. Les Igomar resserraient leur ligne d'espionnage. « Certainement, dit Paulin Broquet, ils préparent un coup. Bon, laissons-les faire, on verra. Avec vous, chef, nous n'avons pas à nous inquiéter des inventions des ennemis. Elles tournent toujours contre eux. Il suffit qu'ils réussissent une fois. » Gabriel, la Morse, le clown Simon, de leur côté, redoublèrent de garde, d'imagination, pour protéger leur chef et favoriser ses plans, en dépit de tout ce que pourraient inventer les Igomar. Or, à quelques soirs de là, Paulin Broquet travaillait dans son cabinet. Avec lui se trouvaient précisément Gabriel et Lamorce. Paulin Broquet avait allumé ses lampes électriques, se sachant protégé par les feuilles de papier noir de ses fenêtres. Il était 2 heures du matin. Dans l'avenue, à peu près au même endroit où s'était arrêtée au petit jour la voiture à bras de la marchande à la charrette, une automobile stationna. Ni Paulin Broquet, ni ses lieutenants, pris par leur discussion, ne s'en doutèrent et ne purent s'en soucier. Ils continuèrent à parler, tout en fumant et en buvant de la bière, quand tout à coup, sans qu'aucune détonation eût retenti, un des carreaux de la fenêtre vola en éclats et une balle tomba dans le cabinet. Le papier noir fut par cette balle déchiré, le carreau brisé, et la lumière des ampoules électriques apparut dans l'avenue. « Vite !» fit Paulin Broquet à ses lieutenants. « Montrez-vous tous les deux, ouvrez la croisée, faites-vous bien voir qu'ils vous reconnaissent. » Lui, prestement, fila dans sa chambre à coucher qui se trouvait après un cabinet de toilette faisant suite au bureau. Et là, bien protégé par l'obscurité, par la nuit, il reprit son poste d'observation d'où il avait suivi l'autre matin les faits et les gestes de la marchande à la petite charrette et de son singulier compagnon. Gabriel et la Morse ouvrirent donc tout grand la fenêtre. Ils se penchèrent au dehors, tout en se mettant bien dans la lumière des lampes électriques pendues au plafond et dans le rayonnement du bec de gaz qui se dressait sur le trottoir, presque au-dessous de leur croisée. Et ils parlementèrent à haute voix. « Qu'est-ce que c'est ? Qui s'amuse à jeter des cailloux dans nos vitres ? Des galopins qui font des farces ?» Gabriel cria dans la rue à des gamins imaginaires, tendant un poing menaçant dans le vide. « Attendez, sacré garnement ! Je vais vous faire jouer avec des pierres. Je vais descendre vous tirer les oreilles. Il n'y a donc pas de sergent de ville pour empêcher de pareils amusements ?» Mais dans la rue, bien entendu, il ne se trouvait aucun gamin. Pendant un moment, Lamorce et Gabriel cherchèrent ainsi du regard, comme s'ils voulaient découvrir les auteurs de ce bris de vitre, qu'ils disaient ne pouvoir être que le fait de gamins, de voyous, de la graine d'apache. Mais ils ne perdaient pas de l'œil le trottoir voisin. Sur ce trottoir, deux hommes passaient qui, entendant Gabriel et Lamorce parler haut, invectiver les gamins invisibles, et les voyant gesticuler à la fenêtre ouverte, s'arrêtèrent et regardèrent curieusement. Puis ces passants reprirent leur promenade. Peu après, les lieutenants de Paulin Broquet refermaient leur croisée, tout en maugréant contre l'audace des deux malandrins, qui, sous prétexte de tirer la nuit sur des moineaux endormis dans les arbres, cassaient les vitres des maisons, et tout en se plaignant du mauvais service des agents de police, jamais là quand il le faudrait. À ce moment, l'automobile se remit en marche. Paulin Broquet la vit s'arrêter un peu plus loin, à l'angle de la rue Say, et cueillir les deux passants qui, tout à l'heure, s'étaient intéressés si grandement à la petite comédie jouée par Lamorce et Gabriel. Le détective entrait quelques secondes après dans son cabinet de travail. Il riait, se montrait très content. « Bravo » fit-il, « bravo. Nous venons sans le vouloir de remporter sur les Igomars une belle petite victoire. Comment cela, chef ? Vous voyez que nos ennemis tiennent absolument à savoir si je suis ou non défunt. Si le cadavre de Paulin Broquet, condamné à mort par le tribunal sans appel de Zigomar siégeant à la Barbotière, se promène en ce moment sous terre, dans les égouts de Paris, et descend lentement vers la Seine, par un chemin sans doute pittoresque, mais peu recommandable. En effet, or, malgré les précautions que nous prenons, ces gaillards, qui sont très forts, ne nous le dissimulons pas, se sont aperçus de quelque chose. Probablement. Et l'autre matin, mon satané Jules a eu la fâcheuse idée d'ouvrir la fenêtre de mon cabinet de travail pour en chasser la fumée. Au moment où en face se tenaient la marchande de légumes et son compère, le brillant baron Dupont, dans les brancards de la petite charrette. Ils ont par conséquent acquis la certitude qu'on avait travaillé fort avant dans la nuit ici. Oui, mais cela ne leur suffit pas. Ils veulent à toute force savoir qui travaille dans mon bureau. Paulin Broquet ou ses lieutenants. Voilà. Malgré le papier noir photographique dont vous avez garni très habilement les vitres, il est probable qu'ils ont eu ce soir conscience que dans le bureau se trouvait quelqu'un. Sans doute. Et ils ont employé ce stratagème, d'ailleurs fort habile, de casser une vitre. Ainsi, ils pouvaient savoir si vraiment quelqu'un se tenait ici en apercevant la lumière par le carreau brisé. Très juste. De plus, ils espéraient, comme ça se produit, que celui ou ceux qui se trouvaient dans le cabinet de travail se précipiteraient à la croisée pour tâcher d'apercevoir l'auteur du dégât. Les lieutenants de Paulin Broquet partirent d'un éclat de rire. « Compris, chef. Les Igomars ont su que l'on travaillait chez vous, cela depuis plusieurs jours. Depuis que vous êtes mort, qu'ils vous ont tué. Et n'ayant reconnu ce soir que vos lieutenants pris à l'improviste, ils vont croire tout naturellement que seuls nous sommes là, que nous travaillons à votre place, pour vous. Peut-être bien pour mettre en ordre vos papiers, pour prendre votre succession. J'espère que cela est ainsi, et qu'ils me croient maintenant et mort et très loin. Car ils ne peuvent s'imaginer que nous avons deviné leur projet, et que sur le moment de surprise, nous ne sommes pas tombés dans leur ingénieux traquenard. Ces gens ne connaissent pas encore très bien Paulin Broquet, dit Gabriel. Le détective alluma une nouvelle cigarette, puis reprit. Nous n'avons entendu aucune détonation, donc ce n'est pas un coup de revolver qu'ils ont tiré. Non, chef. D'ailleurs, un coup de revolver n'eût pas rempli le but qu'ils se proposaient. Paulin Broquet expliqua sa pensée à ses lieutenants. Il fallait que cette affaire, pour réussir, se passât entre eux et nous seuls. Or, un coup de revolver que malgré tout on ne confond pas toujours avec une crevaison de pneus, aurait attiré aux croisées certainement d'autres locataires de cette paisible avenue. Des gens, des curieux, se seraient mis aux fenêtres. C'eût été un petit événement de quartier qui les eût embarrassés. Puis une balle de revolver à cette distance aurait seulement fait un petit trou dans le carreau. Ce n'était pas suffisant pour eux. Ils voulaient le bris d'une vitre, un large vide. Ils n'ont pas jeté un caillou avec la main parce qu'on pouvait les voir faire le geste. Ils n'ont pas employé une fronde parce qu'ils ne répondaient pas de leur adresse, qu'il était facile de manquer une croisée et d'en casser une autre, et qu'également il fallait de la place et faire un grand mouvement pour manœuvrer la fronde. Un caoutchouc, comme on emploie les gamins, n'était pas assez fort. Ils ont usé du fusil à air comprimé, qui a une grande puissance de projection, avec lequel on peut viser et dont le projectile, en arrivant ici avec moins de force qu'une balle de revolver, devait non traverser la vitre mais la briser pour passer. Pendant que Paulin Broquet donnait ses explications, l'amorce cherchait sur le parquet le projectile. Il le découvrit et le déposa sur le bureau devant son chef. « Je ne me trompais pas, » dit Paulin Broquet. « Voyez, c'est une balle en plomb, mais longue et sans bout conique. Une balle de fusil avant. »« C'est vrai, chef. »« Bien. Maintenant qu'il me croit bien mort, reprenons notre travail. » Mais le détective ajouta, « Voilà deux tours que les zigomars nous jouent, deux attaques. C'est à nous de jouer maintenant, à nous la riposte, à nous la belle. » Pendant que cela se passait dans le cabinet de travail de Paulin Broquet, l'automobile qui stationnait devant le trottoir et qui s'était mise à rouler après l'apparition de Gabriel et de l'amorce à la fenêtre, poursuivait sa course rapide vers les boulevards extérieurs se dirigeant vers l'étoile. Sur la banquette du fond se tenait le baron Dupont, en gentleman correct, puis, à côté de lui, un homme d'apparence jeune, dont la casquette abaissée sur les yeux, le haut col du manteau d'automobile relevé cachait absolument le visage. Sur la banquette de devant, deux jeunes hommes également, les deux passants que l'auto avait cueillis au coin de la rue Say. Ces deux jeunes hommes étaient le baron Dujard, qui fut l'un des témoins du comte de la Guérinière dans son dernier duel, l'autre, le grand détective américain Thorntwick. L'homme, dont le visage était, pour ainsi dire, masqué, se tenait enfoncé dans son coin. Il gardait entre ses jambes une carabine à air comprimé, une sorte de tue-moineau, avec laquelle il avait envoyé son projectile dans la vitre de Paulin Broquet. Le baron Dupont tenait à la main une forte lorgnette, dont il s'était servi pour reconnaître les hommes accourus à la fenêtre au bris du carreau. L'homme, dans le fond de la limousine, ne parlait pas, mais ses compagnons de voyage, le baron Dupont et le baron Dujard, discutaient entre eux. « Maintenant, disait-il, on travaille chez Paulin Broquet, mais ce n'est pas lui. Ce sont ses lieutenants qui mettent en ordre ses papiers, arrangent les documents de sa succession pour continuer les affaires commencées par lui. Oui, il n'y a plus à douter. Paulin Broquet n'est pas là. Fit Thorntwick. Sans cela, voyons, ne se méfiant de rien, il serait venu à la croisée avec ses hommes. Peut-être. Mais l'homme qui se tenait dans le fond de la limousine et sur qui les regards étaient tournés, ajouta « Je me demande maintenant si nous n'avons pas commis là une imprudence. »« Comment cela ?» fit le baron Dupont. « Oui, car enfin qu'avons-nous appris ? Rien, ou si peu de choses. Nous avons acquis la certitude qu'on travaillait la nuit dans le cabinet de Paulin Broquet. Nous le savions déjà. »« Mais nous ne savions pas qui y travaillait, » dit le baron Dupont. « Maintenant, nous pouvons tenir pour certain que ce n'est pas lui. » Et j'avoue que je suis bien aise de voir mes soupçons ne pas se confirmer. J'ai bien cru pendant quelques jours que Paulin Broquet était ici, la nuit, chez lui. Nous aussi, firent ses compagnons, et nous sommes enchantés de savoir maintenant que ce n'est pas cet homme redoutable. Rien ne prouve qu'il n'y était pas, fit le détective américain. Oh, il se serait montré. Peut-être pas. L'idée du carreau cassé est assurément bonne pour attirer dehors quelqu'un. Elle a réussi, yes! « Yes, mais chez un Paulin Broquet, elle devait produire l'effet contraire. Avec lui, pas de surprise, pas de défaillance. S'il était là, il a aussitôt compris ce qu'il voulait. Il l'a deviné en même temps que sa vitre volait en éclats. Et malin comme il l'est, il s'est empressé de ne pas donner dans votre piège, facilement éventé. Nous ne le croyons pas, non, nous ne le croyons pas. Nous voulons espérer que nous sommes enfin débarrassés de lui. » Et que nous allons pouvoir poursuivre nos projets tranquillement. » L'homme au collet relevé dit alors, « Je serai heureux de partager votre confiance, mes amis. Mais, d'ailleurs, nous saurons bientôt si Paulin Broquet ou ses hommes ont eu conscience du piège que nous leur avons tendu. Comment le saurons-nous? Ils chercheront fatalement à prendre leur revanche. Bon, nous les attendrons. Oui, mes chers amis. Seulement, je vous recommande de redoubler d'attention, de surveiller plus encore maintenant que jamais ce coin de l'avenue Trudaine et de la rue Rodier. Paulin Broquet en lui-même se montrait à vrai dire quelque peu vexé. Ce zigomar, se disait-il, ou manque d'imagination en ne trouvant que ce stratagème assez vulgaire pour voir ce qui se passe chez moi, ou bien il me suppose plus bête que je ne suis de croire que je m'y laisserai prendre si facilement. Il conclut, il faut qu'il sache qu'il s'est trompé. Mais sans manifester plus ouvertement son mécontentement, il reprit le cours de sa vie, alors et venant comme il lui était nécessaire, sous des transformations qui le rendaient méconnaissable et lui permettaient de passer sous le nez de gens dont il devinait la qualité et par conséquent comprenait la raison de leur présence en ces parages.